lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Desobediència segona. Quan el govern viola els drets del poble, la insurrecció és per al poble. I per a cada porció del poble, el més sagrat dels drets i el més indispensable dels deures. Acabem de llegir un tros de l'article 35 de la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà de 1793. El dret a la resistència contra l'opressió és valorat a tres articles, que descriuen la seva forma i la seva extensió. La Declaració reconeix la insurrecció popular contra un poder opressiu, tirànic i despòtic com un deure. Aquest article serveix per legitimar els esdeveniments del 10 d'agost de 1792, durant els quals el municipi de París es va transformar en comuna insurreccional i va aconseguir la caiguda del rei. La següent citació és de l'escriptor i dramaturg irlandès Oscar Wilde. La desobediència, als ulls de qualsevol que hagi llegit la història, és la virtut original de l'home. El progrés ha arribat a través de la desobediència. A través de la desobediència i la rebel·lió. Fins aquí, Lletra Ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout ce n'est la corde au cou. Dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine, ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique et dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile. On ne sera jamais mal, tu l'as pas fini. On ne sera jamais mal, tu l'as pas fini. On ne sera jamais mal, tu l'as pas fini. On ne sera jamais mal. C'est une résistance contre un système. système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.